السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله العلي الكبير رب العرش الكريم الذي يسر لنا سبل الهدى، ففتح علينا ورزقنا خيرا عظيما مثل هذه المجالس. ومرسي الله تبارك وتعالى après l'avoir loué et prié sur son noble prophète et messager Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Puis on lui témoigne notre reconnaissance devant ses nombreux bienfaits, ces bienfaits qui sont indénombrables, et sans aucun doute le meilleur de ces bienfaits est le bienfait de l'islam, et le bienfait de la révélation du Coran, et le bienfait de l'envoi du dernier prophète et messager, la meilleure de ses créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله تبارك وتعالى nous dit dans son livre: dit par la grâce d'Allah et son bienfait, par la grâce d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent, c'est bien mieux que tout ce qu'ils peuvent amasser, c'est-à-dire comme richesse de ce bas monde. Fadlullahi wa rahmatuh, le bienfait d'Allah ainsi que sa miséricorde, c'est le Coran et l'Islam. C'est le Coran et l'Islam. Allah tabaraka wa ta'ala veut de nous que nous nous réjouissions de ce grand bienfait. En ce qui concerne ce bas monde, Allah tabaraka wa ta'ala interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de poser son regard sur ce qu'il a donné à certaines de ses créatures. Pourquoi cela? Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah donne de ce bas monde à ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas, mais il ne donne la foi qu'à ceux qu'il a aimé. Donc si toi, Allah tabaraka wa ta'ala t'a comblé par l'islam, t'as comblé par l'Iman, t'as comblé par le Coran, c'est de cela que tu dois te réjouir. Et lorsque les gens viennent à toi pour se vanter du fait qu'ils ont appris telle et telle langue étrangère, du fait qu'ils ont tel et tel diplôme, du fait qu'ils ont telle et telle ressource financière, toi dis-leur, moi j'ai l'islam. Moi j'ai l'islam. Et j'ai l'iman bihamdillahi azza wa jal, et ce bienfait là n'est comparable à aucun autre bienfait. Wa ni'amullahi alayna kathiratun jidda la tu'ad wa la tuhsa wal amru kama qala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Et les bienfaits d'Allah sont indénombrables, comme il le dit lui-même dans le Coran. Il ne tient qu'à nous maintenant de nous montrer reconnaissants envers ces nombreux bienfaits. Et si tu te montres reconnaissant Allah tabaraka wa ta'ala va maintenir sur toi ses bienfaits, premièrement. Deuxièmement, il va augmenter de ses bienfaits sur ta personne. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Wala in shakartum la azidannakum » Et si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. « Wa shukrullah » ليست كلمة تقال هكذا بل له أمر في القلب له أمر في القلب بأن تعترف أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى وحده تزداد له حبا لإنعامه عليك له أمر على لسانك بأن تثني عليه سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث وله وجود على الجوارح بأن تستعمل هذه النعم في مرضاته تبارك وتعالى وبنحوي قال العلامة ابن القيم لما عرف الشكر Il ne pense pas que la reconnaissance ne soit qu'une parole qu'on prononce. C'est bien plus énorme et immense que cela. Ça a une place dans le cœur, ça a une place sur la langue et ça a une place sur les membres. Avec ton cœur, tu dois reconnaître que l'ensemble de ses bienfaits proviennent d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui l'unique, le seul à t'avoir donné ses bienfaits. Tu dois donc augmenter ton amour pour lui. À chaque bienfait qui te touche, ou pour chaque bienfait te touchant, tu dois augmenter ton amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme tu as entendu, les bienfaits d'Allah sont indénombrables, donc ton amour doit augmenter chaque jour lorsque tu médites sur un des bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné. Cette reconnaissance doit se voir sur ta langue et s'entendre. Tu dois louer Allah pour ses bienfaits. Comme Allah nous dit dans le Coran, proclame le bienfait de ton Seigneur, cite les bienfaits de ton Seigneur, en montrant ta pauvreté devant ses bienfaits. En montrant ta joie du fait d'avoir été touché par ses bienfaits. Et tu dois témoigner ta reconnaissance aussi avec tes membres. Comment se manifeste cela? En utilisant les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordés à la recherche de son agrément, dans ce qui lui plaît subhanahu wa ta'ala. Wa min akbar hadhihi an-ni'am allati manna Allah علينا نعمة طالب العلم الشرعي et parmi les plus grands bienfaits parmi les plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à son serviteur il y a le bienfait de l'étude de la science et ce que j'entends par la science c'est ce qui est voulu dans les textes c'est la science religieuse Celle qui est tirée du Coran, le livre d'Allah subhanahu, de la sunna, la tradition prophétique sallallahu alayhi wa sallam, et les paroles des pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhi. Wa laqad rafa'a Allah min sha'ni al-ilmi wa ahli fi kitab al-karim, fa wasafa fadlahu wa ahlah. Le prophète, ou bien Allah tabaraka wa ta'ala a élevé le niveau de la science et le rang de ceux qui prennent cette science. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَرْفِعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Allah nous dit dans son livre pour nous montrer combien il élève les gens de science. Il nous dit سُبْحَانَهُ Allah élève ceux qui parmi vous ont eu la foi et ceux qui ont eu la science dans les hauts degrés. De ce verset, on comprend que chaque personne musulmane, chaque personne croyante a une place auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbul alamin. Tout croyant, toute personne reconnaissant l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'adorant d'un culte sincère. Toute personne ayant reconnu la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a une place auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite Allah nous dit et ceux qui ont pris la science dans les hauts degrés. Donc le croyant est élevé, mais les gens de science parmi les croyants auront les degrés les plus élevés. Et ne pense pas que les degrés soient les degrés de ce bas monde, non. Un degré au paradis, la différence entre deux personnes est aussi lointaine que lorsque toi tu es sur ce bas monde à regarder une étoile au loin. Par la science et sa mise en pratique, les gens prennent leur degré au paradis. Donc quelle part tu as pris toi et quelle place tu auras au paradis et à quel degré tu pourras être élevé au paradis. Si tu veux savoir cette réponse, regarde ta science et regarde ta mise en pratique de cette science. La personne qui a appris sa religion, qui a appris à lire le Coran, qui a étudié, qui a mis en pratique, n'est pas semblable à celle qui n'a pas de science, qui n'a pas appris à lire le Coran, qui ne comprend pas les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là ne sont pas égaux. Pour preuve, Allah nous dit dans son livre: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. هذا استفهام إنكاري معناه النفي، أي لا يعلم من علم ومن جهل، من يفقه عن الله ومن لا يفقه عنه. Allah nous dit, c'est-à-dire dit au messager d'Allah à ces gens, est-ce que sont semblables ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les gens doués d'intelligence se rappellent. Cette interrogation a pour but la négation. Le sens du verset est donc: ne sont pas égaux ceux qui ont su et ceux qui ont ignoré. Les savants et les ignorants ne sont pas au même degré. Ils n'ont pas le même, ils ne sont pas semblables chez Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne sont pas semblables auprès des anges d'Allah subhanahu. Ils ne sont pas semblables ni même auprès des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'ignorant, lorsque tu le décris par cette caractéristique et tu lui dis tu es un ignorant, ça le touche et il n'aime pas cette parole, même si c'est la vérité. Et lorsque tu dis à une personne Masha'Allah, Allahumma barik, tu as de la science, il se réjouit, même si c'est faux. Même si c'est faux. Cela, car celui qui sait et celui qui ignore ne sont pas semblables. Ils ne sont pas semblables dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas semblables dans la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont pas semblables dans la connaissance de l'islam. Ils ne seront donc pas semblables dans la mise en pratique de l'islam. Que penses-tu d'un homme qui a su qu'Allah était ala kulli shayn qadir wa bi kulli shayn alim sami'un basir Aziz Jabbar Ali Kabir? Que penses-tu d'un homme qui a su qu'Allah était omnipotent, parfaitement capable? La yu'dizuhu shay'un fil ardi wa la fis sama. Rien ne peut rendre incapable Allah Azza wa Jal, ni dans les cieux ni sur la terre. Car il a la force la plus complète, la plus parfaite. L'inébranlable subhanahu wa ta'ala. Il est fort, élevé, puissant, il voit tout et entend tout. Celui qui a cette science-là et celui qui l'ignore, penses-tu qu'ils seront égaux devant la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala? Celui qui a su qu'Allah c'est Al-Ghaffar, Al-Tawwab, Arhamur Rahimin, Al-Ra'uf Al-Rahim, Al-Latif, Al-Wadud. Celui qui a su qu'Allah était le grand accueilleur repenti, le pardonneur, le miséricordieux, le doux, l'affectueux. Est-ce que tu penses qu'il sera semblable à celui qui ignore tout ça? Non. Celui-ci aura un espoir immense et se dirigera constamment vers Allah Azza wa Jalla afin de se voir absoudre l'ensemble de ses péchés. Et ne désespérera jamais de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui sait qu'Allah voit tout, entend tout, pense-tu qu'il sera semblable à celui qui ignore cela? Non. Il sait qu'Allah le voit, donc il ne fera que ce qui est bon. Il sait qu'Allah l'entend, donc il ne prononcera que de bonnes paroles ou se taira. Subhanahu wa ta'ala. Donc cette science a un effet direct dans ta mise en pratique de cet islam. Et cela nous amène à un troisième verset dans lequel Allah nous dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Les seuls qui craignent véritablement Allah sont les savants. Pourquoi cela? Car le savant a lu le Coran, a su la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala, a su la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, du moins ce qui lui a été décrit dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu la description de l'enfer, il sait que l'enfer a 70 chaînes. Elle sera avancée le jour dernier et on y entendra des cris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Tu'ta bi jahannam yawm al-qiyamah, la sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malak yajurrunaha » Cet homme qui a pris la science sait que l'enfer sera amené le jour dernier et que l'enfer aura 70 000 chaînes. Pour chacune de ces chaînes, il y aura 70 000 anges. Et ils la tireront sur la place du jour dernier. Celui qui sait que l'enfer est aussi vaste que cela, aussi lourd que cela, est-ce que tu penses qu'il va se laisser aller dans les péchés? Celui qui sait que lorsqu'il entrera au paradis, il n'y aura plus aucune tristesse, aucune douleur, aucune maladie. Il aura à vivre et ne plus jamais mourir. À profiter des bienfaits et ne jamais être malade. Celui qui sait que l'ensemble des troncs d'arbres du paradis sont faits d'or, est-ce que tu penses qu'il va être distrait du but pour lequel il a été créé? C'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jal d'un culte sincère? La wallah. Donc cette science que tu as du Coran et de la Sunna, du bien et du mal, se répercute dans ta mise en pratique de cette religion. Celui qui sait aura peur d'Allah Azza wa Jal, car sa connaissance d'Allah sera plus grande. Et celui qui ignore se laissera aller dans les péchés, car il ignore le châtiment d'Allah. Car il ignore le paradis qu'Allah a préparé, du moins sa description, pour les gens pieux. Prenez l'exemple de Malik, alayhi salam, l'ange, le gardien de l'enfer. Ou bien Mikaïl, l'ange de la végétation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant son voyage, a demandé à Jibril, « Ya Jibril, ma li la ara Mikaïl dhahikan qat ?»« Oh Jibril, comment se fait-il que je n'ai jamais vu Mikaïl rire ou sourire ?» Jibril lui a répondu, « Ma dhahika mundhu ma khuliqatin nar ?» Mikaïl n'a plus jamais ri depuis le jour où nous avons créé l'enfer. Subhanallah, subhanallah, la science qu'il a eue de l'enfer a fait qu'il n'a plus jamais ri alors qu'il n'entrera pas en enfer. Que dire de nous qui sommes comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullu bani adam khatta, tout fils d'Adam est sujet à l'erreur, à des péchés. Fasadaq Allah la yastawi man alima wa jahil. Ahlul ilm, ahlul fadl, wal ihsan ila al khalq, ansahu al nasi lil khalq, wa a'rafu al nasi bi rabbihim, wa atba'u al nasi li nabiyyihim, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de science sont les gens qui ont la plus grande place. Sont les gens par lesquels Allah a embelli ce bas monde. Tout comme il a embelli le ciel par les étoiles. Les gens de science sont les meilleurs conseillers. Par la cause d'un savant, d'une personne de science, tu peux sortir de l'enfer et rentrer au paradis, Allah. Allah tabaraka wa ta'ala élève leur rang et les prend à témoin pour témoigner de la meilleure parole, la plus élevée. Et lorsque tu cites à témoin, en témoin, sur une chose qui est immense, tu ne choisiras que des témoins qui ont une grande valeur. Allah dit dans le Coran, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah nous dit, Allah témoigne que nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est lui. Ainsi que les anges et les gens de science, le mainteneur de la justice. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée en dehors de lui, le puissant, le sage. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité et témoigné de la parole la plus noble, de la parole la plus lourde, yawm al-qiyamah, sur la balance, de la cause pour laquelle nous avons été créés, de la parole la plus bénie, celle pour laquelle le paradis a été créé et l'enfer a été créé, celle pour laquelle Allah a créé les cieux et la terre, celle pour laquelle l'ensemble des prophètes et messagers ont été envoyés à leur peuple, celle pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici, celle pour laquelle nous devons adorer Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. La ilaha illallah. La meilleure parole qu'ait dit un prophète. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée en dehors d'Allah. Pour cette parole, Allah a témoigné lui-même subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il a fait témoigner les anges. Il a cité à côté de ces anges les gens de science, les savants. Les savants ont dit, dans ce verset, on a cité le meilleur témoignage avec les meilleurs témoins. Ils ont dit également que s'il y avait eu des créatures plus nobles que les gens de science, Allah les aurait cités dans ce verset. Est-ce qu'Allah a pris à témoin les médecins? Est-ce qu'Allah a pris à témoin, en témoin, les ingénieurs, les riches, les nobles, de par leur rang social ou leur nom de famille, leur lignée? Non. Mais il a pris les gens de science. Il a pris les gens de science. Ibn al-Qayyim rahmallahu ta'ala a cité de nombreux points de vue qui nous montrent le bienfait et la valeur des gens de science dans ce verset. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous dit wa qur rabbi zidni ilma, et dit ô mon Seigneur, accrois ma science. Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à sa créature la plus savante, la plus pieuse, de lui demander l'augmentation de sa science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est-il pas la créature la plus savante? Il l'a dit lui-même sallallahu alayhi wa sallam, ana a'lamukum billah. Je suis celui qui connaît le mieux Allah. Je suis celui qui connaît le mieux Allah. Pourtant Allah lui dit, dis, ô mon Seigneur, accrois ma science. Les gens de science ont dit, s'il y avait eu une chose plus noble que la science, Allah aurait ordonné à son messager de lui demander, de la lui demander. Sallallahu alayhi wa sallam. Voici la valeur de la science. Voici la valeur des gens de science. Et les versets nous montrant les qualités des gens de science et les bienfaits de sa demande sont nombreux, bien plus nombreux que ce que j'ai cité. Et je n'ai pas eu le temps de regarder ma feuille, pas de par ma mémorisation, mais tellement les versets et les textes se rapportant aux bienfaits de la science sont nombreux. Et une parole qui vous sera utile, inshallah. Qu'est-ce qui a fait qu'Allah a fait se prosterner les anges devant Adam alayhi salam, notre père. Qu'est-ce qui a fait qu'Allah Azza wa Jal a repoussé Iblis de sa miséricorde et l'a inscrit parmi les habitants de l'enfer lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam et qu'il s'est enorgueilli devant lui? Al-ilm, la science. La science. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. الله سبحانه وتعالى نريد القرآن: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض الآيات. Dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala a informé les anges qu'il allait créer une créature, Adam alayhi salam, et qu'il allait lui donner la gérance. Les anges se sont étonnés de cela et ont dit: Ya Allah, tu vas créer une créature et de sa descendance les gens vont semer le désordre sur la terre, alors que nous t'adorons sans te désobéir et nous proclamons ta louange et ta gloire. Nous te sanctifions. Allah leur a répondu: Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. De cette partie du verset, nous tirons qu'une des causes de l'incompréhension, c'est le manque de science. Et une des causes de divergence est le fait qu'une partie est une science et l'autre partie ignore cette science. Une des causes de conciliation et de réconciliation, la science. Pour régler les problèmes, il faut donc de la science. Ensuite, Allah enseigna à Adam les mots et a demandé aux anges de l'informer de cela. Ils n'ont pas pu répondre et ont répondu avec la plus grande humilité: nous ne savons pas sauf ce que tu nous as enseigné. Donc sache que la science vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah ordonna à Adam de citer cette science, et Adam la cita. Les savants ont tiré de ce passage la noblesse de Adam alayhi salam par la science qu'Allah lui a octroyée. Et c'est une des causes qui a fait qu'Allah a fait se prosterner les anges devant lui. Les gens de science reconnaissent les troubles avant leur venue. Et les ignorants ne se rendent compte de cela qu'après la fin de ces troubles. C'est pour ça que lorsque Qaroun s'est enorgueilli de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné et qu'il a semé le désordre sur la terre, les gens de science lui ont dit: La tafrah. Wal farah ya'ti fi al-Qur'an wa lahu ma'nayan. Et le mot le farah vient dans le Coran, il a deux sens. Le premier sens c'est surur, c'est la joie, et le deuxième sens c'est farah al-batar wa takabbur, c'est le fait de s'enorgueillir, et ainsi de suite. Et c'est ce qui est voulu ici dans ce verset. Ils lui ont dit: ne t'enorgueillis pas, Allah n'aime pas les gens remplis de glorieux. Comment est-ce qu'il a répondu? Qaroun a dit: tout ce que j'ai, je l'ai eu avec ma science. Il ne s'est pas montré reconnaissant comme les gens de source. Allah tabaraka wa ta'ala l'a enseveli dans la terre. Les ignorants ont dit: on aurait tant aimé avoir ce qu'a eu Qaroun comme richesse et comme pouvoir, et ainsi de suite. Lorsqu'ils l'ont vu périr, être anéanti par Allah, à ce moment-là seulement ils se sont rendus compte de la véracité de la parole des savants. Les savants avaient vu en avance le trouble de Qaroun et la mauvaise destination de Qaroun, car ils ont eu la science. Après avoir cité ces quelques versets, on va se rappeler et se transmettre certaines paroles de notre noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. فعن معاوية رضي الله عنه عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous dit: celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion, il lui fait comprendre sa religion. De ce hadith là, on tire entre autres que celui qui se dirige vers la science, celui qui aime la science, celui qui fait les causes pour avoir la science, comme le fait de se déplacer dans cet endroit, et on demande à Allah Azza wa Jal de le bénir, ainsi que toute personne qui entrera à la recherche de la science, et qui permette aux dirigeants de diriger ce centre de la meilleure façon à la voix des pieux prédécesseurs, et qu'ils permettent à ses enseignants de transmettre la science de la meilleure façon à la voix des plus prédécesseurs, et qu'ils permettent aux élèves d'apprendre cette science, de la comprendre et de la mettre en pratique, et de faire d'eux des guides pour la communauté après cela. Toute personne qui aime la science et qui se dirige vers la science, Allah Azza wa Jalla a voulu son bien. On tire aussi de cela que celui à qui Allah ne donne pas la science et ne fait pas comprendre la religion, Allah n'a pas voulu son bien. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, comme cela a dit Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Abu Hurayrah radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَسْنَعُ. Ou avant cela, wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutin la yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu baynahum illa haffatuhum almalaikatu wa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahma wa dhakarahum Allah fi man 'indah wa man batta'a bi 'amalin lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Ibn Majah 'ala sharti ash-shaykhain aw ash-shaykhayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, un chemin, c'est vaste et général, quel qu'il soit. Un CD que tu écouterais, une cassette, le fait de téléphoner à quelqu'un qui a de la science pour lui poser une question, le fait de te déplacer à une conférence à la mosquée, le fait de venir t'inscrire au CEP, et ainsi de suite, quel que soit ce chemin. Celui qui emprunte un chemin vers la science, son intention c'est quoi? D'avoir la science. Pourquoi? Pour adorer Allah Azza wa Jal, pour mettre en pratique, pour connaître. Son intention c'est d'apprendre la science. Sahhalallahu bihi aw lahu bihi tariqan ila al-jannah. Par ce chemin-là, donc ici on nous cite la rétribution. Par ce chemin-là, pour celui qui aura mis en pratique cette condition, quelle sera la réponse? Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Fa innal jaza min jinsi al-amal. Celui qui donc recherche la science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Que veut dire cela? Celui qui apprend sa religion connaîtra Allah, connaîtra l'islam, connaîtra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui met en pratique l'islam, il se fraye un chemin vers le paradis. D'autres savants ont dit non, plus facile que cela. L'étude de la science en soi, c'est un chemin vers le paradis. Avant même de savoir, juste le chemin, par cela Allah te récompense du paradis. وَهَذَا فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une des demeures d'Allah, c'est-à-dire la mosquée, pour lire et étudier le livre d'Allah, le livre d'Allah ou tout ce qui aide à sa compréhension, comme la langue arabe, comme le tajwid, et ainsi de suite. Il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunit dans une des demeures d'Allah, c'est-à-dire la mosquée, pour étudier entre les livres d'Allah, sans que les anges ne les couvrent de leurs ailes, que la sérénité ne descende sur eux, et que la miséricorde ne les entoure, et qu'Allah les cite auprès de ceux qui sont proches de lui, c'est-à-dire les anges les plus rapprochés. Allah tabaraka wa ta'ala, après t'avoir accordé la paix du cœur et la paix du corps, la tranquillité, la sérénité, la miséricorde, après tout ça, il te donne encore meilleur que cela. Tout ce qu'on t'a cité avant, ça te montre ta pauvreté devant les bienfaits d'Allah, ton besoin, le fait que tu sois qu'une créature et que tu sois faible. Et malgré tout ça, Allah, à la fin, te donne quoi ? وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ. Celui qui est puissant, الْغَنِيُّ لِذَاتِ الْعَلِيُّ الْمُتَعَالِ. Celui qui est élevé en dehors de la création, celui qui est élevé au-dessus de son trône, fera tes éloges à toi, la créature, tes éloges, les éloges de toi, la créature faible et dans le besoin. Celui qui a besoin de personne va faire les éloges de celui qui a besoin de son Seigneur. Celui qui est puissant va faire les éloges de celui qui est faible. Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela encore une fois? Parce que tu as porté, parce que tu t'es déplacé vers une chose qui est noble. Al-ilm. وَبِهَذَا الْعِلْمِ يَرْفَعُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْعَبْدَ الضَّعِيفِ الْعَبْدَ الْفَقِيرِ. Par la science, Allah élève le serviteur qui est faible, le serviteur qui est dans le besoin. Allah a élevé des esclaves au niveau des rois, jadis. Et combien sont ceux qui étaient esclaves au temps des pieux prédécesseurs? Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les élever. Ata ibn Abi Rabih, rahimahullahu ta'ala, était l'esclave d'une femme noble de la Mecque. C'était l'élève d'Ibn Abbas radiallahu anhu et d'autres. Il divisait son temps en trois. Un temps pour l'adoration d'Allah azza wa jal. Un temps pour être au service de cette femme. Et un temps pour apprendre sa science. Lorsque cette femme a vu son intelligence, sa mémorisation et sa piété, elle l'a affranchi en disant: cet homme sans aucun doute sera profitable à l'islam et aux musulmans. Elle l'a affranchi. Arrahimahallah. Et ce qu'elle a pensé s'est réalisé. Il a pris la science et a mémorisé cette science au point d'atteindre un rang que n'ont pas atteint les rois. Le roi de cette époque, lorsqu'il rentrait dans Masjid al-Haram, il donnait l'ordre à l'ensemble des savants de se taire et que le seul qui fasse des fatawa et donne des avis juridiques pendant la période du pèlerinage soit Ata ibn Abi Rabih. Comment est-ce qu'un esclave peut passer à ce rang-là? Avec l'ilm, avec la science. Avec la science. Le roi un jour est rentré dans la mosquée, a fait deux unités de prière avec ses deux enfants, des nobles de Quraysh, avec tout ce que cela entraîne. Ensuite le roi a demandé: où est Aina sahibukum, Aina Ata ibn Abi Rabih? On lui a dit: dans tel endroit. Il était en train de prier. Le roi est venu et s'est assis à ses pieds et a attendu comme tout le monde à la fin de l'assise. Lorsque Ata ibn Abi Rabih a fini de prier, le roi est venu et l'a salué. Allah a dirigé le cœur des dirigeants, le cœur du dirigeant de l'endroit le plus noble sur terre, vers cet homme-là, subhanallah, qui était un ancien esclave. Allah l'a élevé par quoi? Par sa science. Le roi est venu et l'a salué. Et Ata ibn Abi Rabih lui a répondu. Ensuite, les enfants de cet homme-là, de ce roi, se sont étonnés du comportement de Ata. Car vous savez tous que les gens, yani, penchent vers le roi et le respectent, ce qui est normal, mais ont tendance à exagérer dans son éloge et ainsi de suite. Mais Ata, rahimahullah ta'ala, n'a pas exagéré dans cela. Alors, un des enfants du roi a dit: mais qui est donc cet homme qui se comporte comme ça avec notre père? Alors le roi leur a dit: taisez-vous. Voyez-vous, mes enfants, cet homme, c'est Ata ibn Abi Rabih, l'héritier de la science d'Ibn Abbas. Oh mes enfants, apprenez la science. Car avec la science, la personne qui est médiocre dans son peuple est anoblie au niveau des rois et au niveau des dirigeants du pays. Avec la science, la personne qui était inconnue devient célèbre. Avec la science, il a cité beaucoup de mérites de la science. Qui est-ce qui parle comme ça? Un roi. En parlant de qui? D'un ancien esclave. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu était le gouverneur à Médine, comme vous savez tous, après la mort de Abu Bakr ibn Siddiq radiallahu anhu. Il a mis à la gérance de Mecca un des compagnons. Lorsque celui-ci a voulu s'absenter et voyager vers Médine, il a mis à sa place un homme qui s'appelle Ibn Abza, ou bien Ibn Abi Abza. Omar radiallahu anhu également a voyagé en direction de Mecca. Ils se sont rencontrés. Ils ont pris l'un de l'autre de leurs nouvelles. Ensuite, il lui a dit, « Man tarakta ala ahli al-wadi ?» Qu'est-ce que tu as laissé à ta place aux gens de la vallée, c'est-à-dire de la Mecque? Il a répondu, « Ibn Abza. » Omar radiallahu anhu lui a dit, « Qui est donc Ibn Abza ?» Il lui a été répondu, un de nos anciens esclaves. Alors Omar radiallahu anhu s'est étonné. Est-ce que tu as laissé un ancien esclave à la gérance des nobles de la Mecque? Alors il lui a répondu, Ya Amir al-Mu'minin, innahu qari'un li kitabillah, hafidhun bil fara'id, alimun bil fara'id. Ô prince des croyants, cet homme-là, c'est un lecteur du Coran. Et à cette époque, un lecteur du Coran, ça voulait dire un savant. Ce n'est pas juste le fait de psalmodier. Il a la science du Coran et il a la science de l'héritage. Alors Omar ibn al-Khattab lui a dit, « Amma in qulta kadhalik fa inni sami'tu nabiyyakuma yaqul, inna allaha yarfa'u bihada al-kitab aqwaman wa adha'u bi akharin. » Tout s'explique. J'ai entendu le messager d'Allah dire, par ce livre, Allah va élever certaines créatures et on va en rabaisser d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. Le meilleur d'entre vous est celui qui mémorise le Coran puis l'enseigne. Le meilleur d'entre vous est celui qui mémorise le Coran puis l'enseigne. Tout le monde aspire à être le meilleur. Mais qui connaît le chemin qui mène à cette khayriya, à être le meilleur? Tout le monde veut que ses enfants soient les meilleures personnes. Et lorsque tu entends les enfants répondre à la question connue à la rentrée, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu aimerais être plus tard? Lui répond médecin, lui répond architecte, lui répond pilote d'avion, lui répond. Mais qui dit, je vais être un alim, je vais être un savant? Et qui dit, Ya Allah, urzuqni dhurriyatan salihatan min ahli al-ilm? Qui demande, lorsqu'il demande à Allah une descendance pieuse, d'avoir des enfants savants? Qui aspire lui-même à devenir un savant? Alors que tu prétends sur ta langue vouloir être le meilleur. Tu veux être le meilleur? Alayka bihada al-Qur'an. Tu veux être le meilleur? Alayka bil-ilm al-nafi', al-ilm al-shar'i. Tu veux être le meilleur? Tu dois apprendre ta religion. Tu veux être le meilleur? Tu dois mémoriser le Qur'an. Tu dois lire le Qur'an, comprendre le Qur'an et mettre en pratique le Qur'an. Car les compagnons, comme nous dit l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, nulle chose ne pourra réformer les dernières générations si ce n'est ce qui a réformé les premières. Qu'est-ce qui a réformé les premières générations? Wallahi, innahu al-Qur'an, wa ma'rifatullah wa tawhiduh, wa mutaba'atu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui a donné la suprématie aux compagnons devant Ar-Rum wal-Furs, devant les plus grandes puissances des temps anciens? قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله عليكم إذ بعث لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في ضلال مبين. Allah tabaraka wa ta'ala a fait grâce aux croyants lorsqu'il envoya parmi un homme issu d'entre eux, un homme choisi parmi eux, c'est-à-dire le messager sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. Et à la fin du verset, ou bien nous dit, il leur enseigne la science, les purifie à la fin du verset, alors qu'auparavant vous étiez dans un égarement évident. Qu'est-ce qui les a fait sortir de cet égarement? C'est la science. C'est la science. C'est pour ça que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, après qu'Allah ait élevé les musulmans dans un combat et leur ait donné la victoire, on a ramené le gouverneur de ce pays qui était désormais entre les mains des musulmans. Abu Ubaïda radiallahu anhu, le sahabi al-Jalil, a dit à Omar ibn al-Khattab lorsqu'il l'a vu, comme il était à son habitude humble, il se contentait de peu de ce bas monde et ne se dirigeait pas vers ce bas monde. Il était allongé à la mosquée et il y avait de la poussière sur ses vêtements. Il allait recevoir les clés de ce pays et se tenir devant le roi de ce pays vaincu. Alors Abu Ubaïda lui a dit: Ya Amir al-Mu'minin, le mieux serait que tu mettes de plus beaux vêtements et que tu prennes tel et tel aspect. Pour montrer que les musulmans sont comme ceci, comme ça. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu s'est mis en colère. Et lui a dit: Law kana min ghayriki Aba Ubaïda. Si seulement j'avais entendu ça dans notre que toi. Nahnu al-Arab. Nahnu al-Arab. أعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. Il lui a répondu: nous les Arabes, nous sommes un peuple qu'Allah a élevé, a anobli par l'islam. Et celui qui recherche la puissance dans autre chose que l'islam, Allah va l'humilier. Allah va l'humilier. Donc avec tout cela, on comprend que celui qui veut atteindre les hauts niveaux dans ce bas monde et dans l'au-delà doit apprendre sa religion, la science utile, la mettre en pratique pour pouvoir la transmettre par la suite. Parmi les bienfaits des gens de science et de cette science, il y a le fait donc que les anges abaissent leurs ailes en signe d'agrément de ce que est en train d'entreprendre l'étudiant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comme dans le hadith d'Abi Darda: wa innal malaikata la tad'u ajnihata li talib al-'ilm ridan bima yasna'. Les anges abaissent leurs ailes au-dessus de l'étudiant, celui qui recherche la science, en signe de satisfaction devant ce qu'il est en train d'entreprendre. Wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard hatta al-hitan في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه ابن ماجه. النبي صلى الله عليه وسلم نجي demande pardon tous les habitants des cieux ainsi que de la terre jusqu'aux poissons dans l'eau pour la personne qui a appris la science. Celui qui recherche la science, le savant, faites dua pour lui tout ce qu'il y a dans les cieux, comme ange et comme créature d'Allah Azza wa Jalla. Tout ce qu'il y a sur la terre, comme personne, comme créature d'Allah Azza wa Jalla. Même ce qu'il y a dans les mers. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et les savants sont les héritiers des prophètes. Et ces derniers n'ont légué ni pièce d'or ni pièce d'argent, mais ils ont légué la science. Celui qui l'apprend, celui qui prend cette science, cet héritage, aura pris certes une part immense. Si toi tu avais su qu'une personne de ta famille avait légué, après son décès, un héritage considérable, des millions d'euros, est-ce que tu ne serais pas allé prendre ta part de l'héritage? Quand bien même cet endroit nécessiterait de voyager pour l'atteindre, sans aucun doute. Et ici on te cite l'héritage de la meilleure créature d'Allah Azza wa Jalla. L'héritage qui a la plus grande valeur auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ne vas-tu pas aller prendre ta part? Tout héritage est relié et rattaché à un lien familial, excepté celui-ci. il n'y a pas de distinction entre l'arabe et le non-arabe, entre le blanc et le noir, entre l'homme et la femme, entre l'enfant et la personne. Tout le monde peut prendre sa part. Tout le monde peut prendre sa part. Et c'est une part que tu prends volontairement. Il ne tient qu'à toi de te déplacer et de prendre cette part d'héritage. Et tout comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on vous souhaite la bienvenue ici. Lorsque Safwan radiallahu anhu est venu le voir, il lui a dit, Ataytun Nabi, il nous raconte lui-même, Ataytun Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa fil masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar faqultu lahu ya Rasulallah inni jitu taliban al-ilm. Safwan est rentré à la mosquée, a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, je suis venu à la recherche de la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, faqala marhaban bi talib al-ilm fa marhaban bikum wa hayyakum Allah wa sallallahu yuwaffiqakum ila kulli khayr wa an yassira lana wa lakum tariqa talib al-ilm wa yuthabbitana wa iyyakum alayh. وهذا العلم مفتقر إلى مواصفات إلى آداب عالية رفيعة. Mais cette science, pour l'obtenir, sache mon frère que tu as besoin d'un certain comportement et tu as besoin de certains caractères. Et cela, inshallah, fera l'objet d'une prochaine parole après que parlera, je suppose, Mohamed Wafakahullah, notre prof et notre frère bien-aimé. Mais avant cela, je veux citer quelques autres hadiths, car il ne s'attendait pas peut-être à parler, le temps de le laisser reprendre son souffle. Hafidahullahu ta'ala. Donc, sachez, chers frères, que cette science, contrairement aux choses de ce bas monde, les bienfaits de cette science ne s'arrêtent pas avec la mort de la personne. Celui qui a une épouse, il la quitte lorsqu'il meurt. Celui qui a des enfants, il s'en sépare lorsqu'il meurt. Celui qui possède des richesses s'en sépare lorsqu'il meurt. Sauf une chose, al-ilm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque la personne meurt, toutes ses actions s'arrêtent, sauf trois choses. Sadaqatin jariya, une aumône qui perdure. Waladin salihin yad'ulah, un enfant pieux qui fait dua pour lui. Mais pour qu'il soit pieux, encore faudrait-il que tu l'aies éduqué. Et pour ce faire, il te faut la science. Ou ilmin yuntafa'u bih. Ou une science dont les gens continueront à tirer profit après ta mort. Imagine, et ça n'est pas que le fruit de mon imagination vu que tu es ici, tu te déplaces dans notre centre. Dans votre centre, tu apprends à lire Alif ou Ba, ainsi de suite. Tu apprends à attacher le bas au début, au milieu, à la fin, et tu apprends ce cours là et certains qui sont au niveau 4 pourraient se dire, c'est facile ça. Mais rappelle-toi le jour où tu as mémorisé l'alphabet, et peut-être si je te demande de te lever, de réciter l'alphabet, tu aurais du mal à dire l'alphabet sans te tromper. Donc c'est une étape par laquelle tout le monde passe. De même que le nourrisson commence par du lait. Sahlala. Ou bien vous avez sauté vous l'étape du lait. Tout le monde commence par le lait. Avez-vous déjà vu un enfant qui commence par la viande? Non. Mais lorsque nous sommes adultes, qui préfère le lait à la viande? Personne. Mais c'est une étape qui est nécessaire. Ben, la personne vient au niveau 1. Et apprend al-huruf, al-harakat, al-mudud, wa shadda, wa sukun, wa halumma. Il apprend ces mots. Quand tu entends ces mots, tu pourrais te dire, oh là là, il a beaucoup de science. Non, c'est juste de l'istilah. Harakat, ça veut dire la fatha, la kasra, la dhamma. Et dans un mois, tu vas connaître tout cela, bi-idhnillahi azza wa jal. Tu apprends ensuite à lire le Coran. وهذا خير لا يعدل خير. Tu lis la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est comme si tu parlais avec Allah subhanahu wa ta'ala direct. Tu lis ce qui a été lu par Jibril alayhi salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu le lis exactement de la même façon. Subhanallah. Après des siècles et des siècles. Contrairement à tous les livres qui ont été altérés et changés. Ensuite, tu passes au niveau 2. Et tu apprends à comprendre, tu mémorises les mots, tu apprends un peu de grammaire, de conjugaison, et à construire des phrases. Et tu commences à comprendre certaines phrases du Coran. Et là, ton cœur bouge de plus en plus, et ta foi augmente, car tu comprends, tu commences à savoir ce qu'Allah Azza wa Jal veut de toi dans tel ordre et dans tel interdit. Puis tu passes au niveau 3, et tu commences à discuter, et ainsi de suite. Toi qui as appris à lire, peut-être qu'Allah Azza wa Jal te donnera la permission d'enseigner ensuite à une personne. Sache que toutes les lettres que cette personne lira du Coran, tu te verras récompensé pour cela. Mais peut-être que cette personne aura des amis à qui elle transmettra cette science, des enfants. Ben toi, le premier à lui avoir appris, tu auras la récompense pour toutes ces personnes. Et cela jusqu'à Yawm al-Qiyam. Jusqu'à Yawm al-Qiyam. Par moment, tu es touché par la paresse. Mais cette personne-là, peut-être qu'elle ne le sera pas. Et si celle-ci en est touchée, cette autre ne le sera pas. Et ainsi de suite. Donc tes hasanat ne cesseront d'augmenter. Et d'augmenter. Et d'augmenter. فَدَّالُ إِلَى الْخَيْرِ كَفَعِلِهِ. Car le prophète sallam nous dit, celui qui montre le bien est semblable à celui qui le fait. Par moment, on est touché donc par la paresse. Qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir à dépasser cette paresse? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui on est ce nombre-là et demain on ne le sera pas? Sauf si Allah Azza wa Jalla nous facilite. En général, au bout de 6 mois, certaines personnes lâchent un petit peu. Après, une autre dit, ah, il y a un match, juste, c'est un match, j'y vais et je rattraperai sur un tel. Après, l'autre dit, ah, aujourd'hui, je suis fatigué. Hier, j'ai traîné toute la soirée. Et l'autre dit, kada, et l'autre dit, kada, et l'autre dit, et l'autre dit. Et à la fin, Shaitan vient et lui dit la meilleure réponse qu'il souhaitait entendre. Et la meilleure excuse qu'il souhaite entendre. Mais est-ce que tu penses que Shaitan est un bon conseiller? Même s'il te dit Inni ilaka la minan nasihin, comme il a dit à Adam et Hawa, il te dira et t'apportera ta réponse sur un plateau. Quelle est cette réponse? C'est pas grave. De toute façon, je vais me réinscrire l'année prochaine et je vais recommencer. Ah, tu vas recommencer l'année prochaine. Et est-ce que tu as reçu une information venant d'Allah Azza wa Jal t'indiquant que tu allais vivre jusqu'à l'année prochaine? Première question. Deuxième question, qui te dit que l'année prochaine tu auras le temps de faire cela? Et que troisième question, qui te dit que l'année prochaine tu seras en bonne santé et tu pourras marcher pour venir ici? Il y a un frère là qui vient de se faire renverser par une moto. Il est entre la vie et la mort dans le coma. Il est entre la vie et la mort dans le coma, sallallahu alayhi wa sallam. Cela pour te dire que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Donc ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le repousse pas à demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le repousse pas à demain. Peut-être que tu vas avoir un enfant, peut-être que tu vas te marier, peut-être que, et ça va peut-être être une cause qui va te rendre plus difficile l'obtention de la science. Mais wallahi qu'une des meilleures causes pour avoir la science après être dua, c'est le fait de se rappeler des bienfaits. De la valeur des gens de science et des bienfaits. Et pour finir, certains textes qui vont nous montrer la récompense à nous asseoir comme ça. Une personne pourrait trouver le temps long, mais la personne qui connaît la valeur de ses assises, wallahi qu'elle parcourt la terre à la recherche de ses assises. Et comment nous, on pourrait s'enorgueillir de s'asseoir dans ses assises, alors que les anges parcourt la terre à la recherche de ses assises, subhanallah. Allah, le prophète sallam nous dit qu'Allah a des anges qui recherchent les assises comme celle-ci. Au moment où je vous parle, il y a des anges qui écoutent. comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith d'Abi Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: من خرج من بيته يريد العلم من خرج من بيته ليتعلم علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. Écoutez bien ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui sort de chez lui à la recherche de la science, il est dans le sentier d'Allah jusqu'à ce qu'il retourne chez lui. C'est les rares moments où on est content d'habiter loin du Seigneur. Celui qui sort de chez lui jusqu'à ce qu'il rentre, il est fi sabilillah. Jusqu'à ce qu'il rentre. Subhanallah. Au moment où tu poses ton pied dehors, ton intention c'est d'aller apprendre ta religion, ben t'es fi sabilillah. Le temps que t'étudies, t'es fi sabilillah. Le chemin du retour, sur le chemin du retour, t'es encore fi sabilillah. Jusqu'à ce que tu rentres chez toi. Est-ce que ça vaut pas le coup de patienter, d'endurer? Fa anta fi sabilillah. Et pour conclure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Mu'adh, ou bien un autre hadith qu'on va citer, le hadith de Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas un groupe de personnes qui est comme vous êtes là en ce moment, assis, en train de se rappeler Allah, en train d'apprendre sa religion, sans qu'au moment de se lever il y ait une parole disant: an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Levez-vous, on vous a changé, on vous a pardonné tous vos péchés, et on vous a changé tous vos péchés en bonnes actions. Allahu Akbar. Quand tu es dans une assise comme celle-ci, lorsque tu pars, sache qu'on t'a pardonné tes péchés. Et plus étonnant que cela, on t'a changé, on a changé l'ensemble de tes péchés en bonnes actions. On a changé l'ensemble de tes péchés en bonnes actions. Et c'est un hadith qu'a rapporté l'imam Ahmed et que l'imam Al-Bani rahimahullah ta'ala a rendu authentique. Est-ce que tu te dis que yawm al-qiyamah tu pourrais être élevé à une station où tout le monde t'enverra, où tout le monde te regardera et que tu seras installé sur une chaire faite de perles précieuses et de petites perles? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la yab'athallahu aqwaman yawm al-qiyama fi wujuhim an-nur ala manabir min lu'lu. Allah va ressusciter des gens le jour du jugement dernier. Ils auront le visage resplendissant et illuminé. Celui qui les regarde, celui qui les regardera sera ébloui. Vois, lorsque tu regardes le soleil, l'effet que ça te fait aux yeux, ben ça se passera comme ça. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sur des chairs, sur des trônes faits de perles précieuses, yarbituhum an-nas, les gens les environnent. Lorsque tu entends ça, tu te dis: ça doit être qui? Ça, c'est la place des prophètes, c'est la place des martyrs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: laysu bi anbiya'i wa la shuhada. Ce ne sont ni des prophètes ni des martyrs. Alors là, tu as un petit peu d'espoir. Je dis: comment faire pour entrer dans ce groupe-là? Ce hadith et cette bonne nouvelle est tellement immense. Regardez la suite du hadith. Fajasa a'rabiyun ala rukbatayn. Il y avait un bédouin qui était à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a entendu ce hadith, il est tombé sur ses genoux. Il est tombé par terre. Ya Rasulallah, sifhum lana. Ô messager d'Allah, décrinez-nous. Décris-les-nous. نعرفهم, afin de savoir qui sont-ils. قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله ويذكرونه رواه الطبراني. Qui sont ces gens? Ce sont les gens qui se sont aimés pour Allah, alors qu'ils ne sont pas de la même tribu, alors qu'ils n'ont pas de lien familial. Ils viennent de différentes contrées. Lui est marocain, lui est sénégalais, lui est français, lui est portugais, et ainsi de suite. Ils n'ont pas le même asl. Ils n'ont pas le même asl. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ils se sont aimés pour Allah. Pourquoi ils se sont aimés? Car ils sont tous musulmans. Car ils ont le même Seigneur, et la même Qibla, et le même prophète, et la même religion, et le même but entrer au paradis, et la même crainte entrer en enfer. Ils se sont unis pour cela. Yajtami'una, ils se réunissent pourquoi? Ala dhikrillah. Pour se rappeler d'Allah. Pour louer Allah. Pour faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils le louent. Rawahu Tabarani. Donc voici ceux qui seront ressuscités et élevés au-dessus des gens sur ces chairs. Donc pourquoi cette personne-là, ça ne serait pas toi? Qu'est-ce qui t'empêche toi de faire partie de ce groupe-là? En aimant tes frères pour Allah Azza wa Jal, en assistant aux assises de science, en patientant dans cela. Mais pour avoir tout cela, il faut un comportement, ce qu'on appelle adab talib al-ilm, le comportement de l'étudiant, et cela fera l'objet d'un prochain cours bi'idhnillahi ta'ala. Et pour conclure, je vais commencer par le début. C'est le fait de me présenter. La sagesse aurait été de le faire au début, mais la faiblesse du fils d'Adam fait partie, l'oubli. Donc je suis votre frère Ibrahim Abu Talha et je suis enseignant ici depuis l'ouverture du centre il y a de cela quelques années, environ trois années, et je suis enseignant de Aqidah, de croyance, bihamdillahi azza wa jal, l'enseigne la aqida, la croyance authentique au centre. Donc ceux qui sont inscrits en sciences islamiques auront, disons, l'épreuve de m'avoir comme enseignant au niveau 1 ainsi qu'au niveau 3. Cette année, je n'aurai pas, à mon grand regret, le niveau 2. Je suis également enseignant en langue arabe. Je suis également enseignant en langue arabe. Et ceux qui sont inscrits au niveau 1 en semaine m'auront en tant que professeur, ainsi que ceux qui se sont inscrits au niveau 1 le samedi matin. Concernant le samedi après-midi, j'enseignerai, Inch'Allah ta'ala, le niveau 3. Naam. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويوفقنا إلى العمل بما يرضى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاك الله خيرا. Allah vous récompense pour la bonne écoute que vous avez eue et la patience.